19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Bon, ça ne peut qu'aller. Vous savez que 2 heures de métal vont vous vriller le cerveau et vous faire le plus grand bien, comme toutes les semaines d'ailleurs. Donc ce soir, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Des nouveautés qui seront au nombre de 4. Et aussi, je n'ai profité un petit peu pour ressortir la boîte à souvenirs. Après tout, en ce moment, on n'a pas beaucoup d'actualités concerts, donc un petit peu se faire plaisir. Eh bien, comme toutes les semaines, on va faire donc un petit survol de tous les genres et sous-genres donc qui composent donc notre style musical préféré. Enfin, j'imagine que vous connaissez l'émission, bien sûr, puisque c'est quand même le numéro 696 quand même d'Electric Shock depuis le 8 novembre 2005. Et oui, je vous rappelle quand même qu'on est là depuis un bon petit moment quand même. On commence tout de suite avec un groupe que vous commencez à connaître. Ça fait plusieurs semaines qu'on passe des extraits de leur EP Shitty Song. C'est le groupe We Don't Care. Et ce soir, on va commencer avec un truc assez rock'n'roll qui s'appelle Live Games. Like a black rhythm, so I don't feel scared when I play rhythm. It's all about me and my personal demon, cause nobody knows about my secret girl. So sweet, or I can be your war. Depends on the will of all I got in the store. If I lost control over the weight in the core, personal devil, you are my church. Personal devil, I need you so much. Personal devil, you are my crutch. Personal devil, I need you so much. I got in my mind like a black rhythm, so I don't feel scared when I play rhythm. It's all about me and my personal deal, cause nobody knows about my secret goal. you so much. Best of my devil, you are my crutch. Best of my devil, I need you so much. Yeah, rock and roll. Personal Devil à l'instant, un petit extrait de Bad Monkey, le groupe That Simple, que vous avez présenté la semaine dernière. Et juste avant, donc, We Don't Care, Life Games, extrait de Shitty Songs, leur dernier EP. Maintenant, on va se faire du live. Et pour ça, on va revenir au live de Vardis, 1MPH at 100 Club, enregistré donc en mars 2020, juste avant que le monde ne s'effondre réellement, avec Vardis. Donc Vardis... pionnier de ce qu'on a appelé The New Wave of British Heavy Metal, le groupe qui a raté le coche, hein, comme beaucoup, qui maintenant est revenu il y a quelques années, faut pas se leurrer, hein, ils font ça pour le plaisir, c'est évident, et là, 40 ans après leur premier album, qui était à live, donc c'est un petit clin d'œil à leur début, voilà. Donc si vous aimez le boogie rock vitaminé, c'est fait pour vous, donc on va se faire la petite doublette, allez, tout d'abord, Shoot Straight. Vive Longue, précédé de Shoot Straight, donc tous deux extraits donc du live de Vardis, 100 MPH at 100 Club, le légendaire club londonien où les Sex Pistols avaient fait leur début dans les années 70, et ça s'est sorti en fin d'année dernière. Alors, on va se mettre quelque chose un petit peu plus musclé maintenant avec la première nouveauté de la soirée, avec le groupe Dead Tree Seeds. Un groupe donc qui nous vient de la région parisienne, groupe qui existe depuis 2006 et qui a déjà sorti deux albums, un en 2013, tout simplement, Seeds of Thrash, and le deuxième sorti en 2020, Push de Button. Et là, ils nous sont revenus avec un EP tout chaud, tout bouillant, puisqu'il est sorti vendredi, de 4 titres. En fait, ce EP contient donc 3 titres du premier album réenregistrés et un titre inédit. Alors... comme vous décrivez Dead Tree Seeds, si vous aimez Testament, Slayer, Exodus, voilà, ça c'est vraiment fait pour vous. Donc extrait de ce EP Back to the Seeds, Torture and Rage, qui est donc un réenregistrement du morceau qui figurait sur le premier album. Voilà pour la petite histoire. Vous êtes prêts? Allez, ready to mosh! C'était les Grecs de Suicidal Angels et c'était extrait donc de leur troisième album Dead Again qui était sorti en 2010. Et ouais, quand je vous disais qu'on allait rouvrir un petit peu la boîte à souvenirs ce soir, voilà. Plus récent, puisque c'est sorti vendredi, là, les Parisiens de Dead Tree Seeds et leur EP Back to the Seeds et le morceau Torture and Rage que vous avez eu ce soir en écoute. On va revenir maintenant à une des plus grosses sorties de ce début d'année et c'est toujours un plaisir de les écouter. C'est Saxon qui nous est revenu avec son nouvel album Carpe Diem. Un album magnifique comme toujours, hein, depuis, on peut dire, une carrière quasiment sans faute. Et un 24e ou 25e album, je ne sais plus très bien, vraiment excellent. D'ailleurs, j'ai appris que Saxon normalement devrait, j'insiste bien sur devrait, être en concert au mois d'octobre au Trianon avec, excusez du peu, Diamondhead en première partie. Ça devrait être un truc qui devrait trouer le cul, il n'y a pas d'autre mot. Extrait donc de Carpe Diem ce soir. Allez, Dam Busters. Des années 80, et ouais, on pourrait vraiment croire que c'est un album exhumé de cette époque-là, et non, pas du tout, c'est tout nouveau, puisque c'est sorti là, à la fin de l'année dernière, et c'est les petits jeunes de les Californiens de Fortress, que vous connaissez, puisqu'on a déjà passé ces dernières semaines, et là, c'était le morceau Devil's Wheel, et là aussi, tout nouveau, tout beau, mais par contre, groupe beaucoup plus ancien, puisqu'ils ont plus de 40 ans de carrière, c'est les Increvables de Saxon, qui viennent de sortir Carpe Diem, et là, on a eu le morceau Dam Busters, de cet excellent album. Maintenant, je vous invite à refaire un petit tour en Normandie, où on va retrouver le groupe Hops of Freedom et son métal épique. Et on va se faire un extrait de Light, Fire and Iron. Alors, si vous aimez les longs morceaux épiques, genre Keeper of Seven Keys ou Halloween, vous allez être servi, croyez-moi. Et bon, je sais, les radios commerciales, il faut des morceaux qui fassent 3 minutes, etc. Ici, à Electric Shock, on s'en fout, du moment que ce soit bon, que ça fasse 2 minutes 20 ou que ça fasse 20 minutes, on s'en tape. Allez, Light, Fire and Iron, et on se retrouve dans un certain temps. We'll be right back. Et c'est déjà fini. Quand je vous avais dit que c'était épique, c'était vraiment épique. Hein. 15 minutes 46, wow, de voyage. On a été vraiment très très loin avec Light, Fire and Iron, extrait de l'album du même nom, des Normands de Hops of Freedom. On va se faire quelque chose de plus rock'n'roll. Maintenant, on va revenir à ce duo brésilien basé à Londres qui est Tropical Fuzz. Imaginez une chanteuse bassiste énervée et un batteur avec des goûts très punk. Voilà ce que ça donne, par exemple, sur le morceau Dig Deep. Yeah. c'est des potes, hein, cette petite reprise, parce que vous aurez reconnu, j'imagine, sans problème, le Message in a Bottle de Police, repris de main de maître par un des maîtres de ce qu'on appelle le crossover à la fin des années 80, le groupe Excel, et oui, comme le célèbre Tableur. Et ça, c'est extrait de l'album The Jokes on You, qui était sorti en 1989. Et ouais, quand je vous disais qu'on allait rouvrir la boîte à souvenirs ce soir, c'est fait. Et il y en aura d'autres surprises encore d'ici la fin de l'émission. Juste avant Excel, sorti en fin d'année dernière, l'album de Tropical Fuzz, Your Mom, et c'était le morceau Dig Deep. On va se refaire une nouveauté, la deuxième de la soirée, et on va faire un tour de la région parisienne, on va retrouver le groupe Except One. Alors Except One, c'est un groupe qui existe depuis 2013. Ils ont déjà sorti deux EP et un album en 2018. Là, c'est leur deuxième album, qui s'appelle Broken, il est sorti là mi-janvier. Alors c'est du trash façon... On peut penser un petit peu Arch Enemy, c'est vrai que la chanteuse Estelle a une voix qui fait penser un petit peu à Angela Gossow. Et il y a pas mal de choses très intéressantes sur cet album, comme le morceau Forms qui va commencer. Et avant, une petite intro qui s'appelle Sorms, extrait donc de l'album Broken. We'll be right back. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez Electric Shock, l'émission qui grille les neurones tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Là, on s'en est grillé un petit paquet quand même avec les charmantes jeunes filles de Nervosa. Regardez un petit peu les photos, vous verrez qu'elles sont mignonnes comme tout. Par contre, vous avez vu qu'elles tabassent. Hein. Extrait donc de leur album Perpetual Chaos qui est sorti au printemps dernier, c'était People of the Abyss. Juste avant, ils ont pas grand chose à leur envier non plus, les Parisiens de Except One, avec un extrait de leur nouvel album Broken, c'était le morceau Forms, et la petite intro Hollow, et c'était également donc la deuxième nouveauté de la soirée. Avouez que la deuxième heure d'Electric Shock commence quand même très fort quand même. Là, on va calmer le jeu avec le groupe de rock alternatif The Verge, que je vous ai présenté la semaine dernière. Extrait donc de l'album Eccentric Girl, sorti fin janvier. Et on va se faire le morceau qui est d'ailleurs le single, c'est Keep the Head Up. Faster. Seven Eyed Crow et leur album Icarus. C'était le morceau Until. Ça, j'aime beaucoup. J'ai un groupe à suivre. J'espère que ça va perdurer dans le temps. Juste avant Seven Eyed Crow, le groupe The Verve et leur album Eccentric Girl sorti mi-janvier, et c'était le single Keep the Head Up. Allons faire un petit tour maintenant au Danemark. On va retrouver le groupe Volbeat, groupe qui nous a fait vraiment une carrière, on peut dire quasiment sans faute depuis leur début, il y a ça, oui, presque 20 ans maintenant. Volbeat qui arrive à mélanger rockabilly, punk, metal, trash en même temps, le tout dans un cocktail qui n'est jamais indigeste. Et ce nouvel album qui est leur 8e, Servant of the Mind, ben une fois de plus, on a notre cocktail de tout ça. Donc c'est un groupe qu'on peut... Ça doit être un vrai casse-tête hein, pour les disquaires. On classe ça où? On met ça dans le métal? On met ça dans le rock? On met ça où? Bonne question. Enfin, à la limite, ici dans Electric Shock, on s'en fout. Du moment que ce soit bon, c'est ce qui compte. On va se faire un petit extrait de cet album qui est sorti donc fin d'année dernière. Et là, je vous invite à découvrir The Devil Rages On. Rock'n'roll. Master, in the valley, can can you hear me? Ce moment de pure rock and roll vous était offert par Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'est le roi du rockabilly, on l'a reconnu bien sûr, c'était Brian Setzer avec Smash Up and Highway 1, extrait de Gotta Have the Rumble, qui est son dernier album studio sorti au mois de septembre, si mes souvenirs sont bons. Et c'est d'ailleurs une des nouveautés de ce soir, la troisième de la soirée. Eux aussi sont capables d'être rock'n'roll, d'être heavy, d'être tout ce que vous voulez. C'est les Danois de Volbeat et c'est un extrait de Servant of the Mind qu'il y a eu juste avant, qui est leur dernier opus. C'était de Devil Rages On. On va se refaire encore une nouveauté, la dernière de la soirée. Et là, on va faire un petit tour du côté de New York. Là, on va se passer de rockabilly, on vient de faire du revival rockabilly, on va se faire revival heavy metal, comme en ce moment, c'est, on va pas dire que c'est la mode, mais oui, il y a quand même beaucoup de groupes, de jeunes groupes, qui ont tendance à revenir vraiment, aux sources du heavy metal, à ce qu'on appelait the new wave of British heavy metal. On a eu, par exemple, Fortress tout à l'heure, en début d'émission. Et ben là, c'est un groupe donc new-yorkais qui s'appelle Tower. Et ouais, encore un terme un peu médiéval. Ça fait beaucoup quand même Fortress, Tower, Saxon. C'est vrai que le Moyen-Âge a été une période qui a beaucoup inspiré le heavy metal des années 80. Alors ce groupe, qu'est-ce qu'il a d'original? Bon, on y retrouve des influences, évidemment, genre Maiden, des débuts, des attaques de guitare latine Lizzy quelque part. Mais le plus étonnant dans ce groupe, c'est la chanteuse Sarah Beth Linden, qui nous fait penser des fois à Grace Slick de Jefferson Airplane. Elle fait penser aussi de temps en temps à Janis Joplin, quand même, excusez du peu. Chrissy Hynde également. Et moi, la chanteuse qui m'a fait penser le plus, c'est quelqu'un qu'on a tendance un petit peu à oublier quand même, et qui pourtant a marqué quand même son époque. C'était Pat Benatar. Mais une Pat Benatar qui aurait vraiment bouffé du lion et qui serait vraiment sous stéroïde et qui aurait vraiment plus que la rage, on peut dire. Donc, ce groupe existe depuis 2015. C'est leur deuxième album qui est sorti, je crois, au mois de novembre. Il s'appelle Shock to the System. Et vous allez découvrir un morceau très heavy, typique de cette époque. On se croirait vraiment à la fin des années 70, début des années 80, quand le heavy metal commençait vraiment à prendre forme. Le morceau que je vous invite à découvrir s'appelle Powder Keg. since the beginning of time. Great storms came from afar, with blinding light, the tongues of the viper struck down, with the sounds of hellfire and thunderbolts of metal, giving birth to the chosen ones. They did go forth and did create for all to hear the sounds from distant heavens. Now hear the warning as time is running out. Lest never forget these sermons, the sermons of the sinner. Fire Thunderbolt et la petite introduction Incantation, ça C'est Judas Priest Beast, c'est-à-dire K.K. Priest, donc l'incarnation de Judas Priest selon K.K. Downing, l'ancien guitariste. Enfin, je vous épargne les raisons pour lesquelles il a fait ce projet et ses explications, je trouve un petit peu confuses quant à son départ de Judas, il y a de ça une dizaine d'années, mais enfin bon, ne polémiquons pas. Toujours est-il qu'il nous a sorti Sermons of the Sinner, dont a été extrait ce morceau, cette petite intro, en fin d'année dernière, et c'est du tout bon pour tous les fans de Judas. Un truc indispensable. Juste avant, dans le même esprit, purement heavy metal, par contre bien récent, groupe qui nous vient de New York, et c'était le deuxième album Shock to the System, c'était donc le groupe Tower, et le morceau Powder Keg. Moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, comme Fortress, comme quoi ce style, pourtant qu'on aurait pu penser complètement suranné, et maintenant faisant partie de l'histoire, on s'aperçoit qu'on peut toujours en refaire, et en faisant quelque chose de frais, tout en étant fidèle aux racines du passé. Puisqu'on parle de heavy metal, on va parler de concerts. Un petit conseil d'ailleurs la semaine prochaine, ne ratez surtout pas Electric Shock, car ça va être une émission spéciale. Parce que cette année, pour la première fois de l'année, je vais avoir trois invités et on va parler concerts. Et oui, maintenant on va commencer à pouvoir parler concerts, puisqu'apparemment la situation sanitaire a l'air de se débloquer un petit peu. Mon ami Chris de Prisma, que vous connaissez bien sûr, puisqu'il c'est un habitué d'Electric Shock, et ainsi de Mavrika, l'émission de Albino, que je salue bien bas au passage. Albino, si tu es à l'écoute, je te salue bien bas, je fais ma révérence, même si ça se voit pas à l'antenne, pour tout le boulot que tu fais pour les artistes locaux. Et l'ami Chris, donc, il organise un concert, pas samedi là, mais samedi 26, à Cléry-Saint-André, par chez lui. Oui, donc il y aura son groupe Prisma, il y aura aussi les Broken Arms, c'est un autre groupe qui s'appelle Dark Revenges, qui sera de la région, je crois qu'il est de la région parisienne. Et donc ils viendront, donc Chris ainsi que le Squall de Broken Arms viendront donc mardi prochain nous parler de tout ça et de bien d'autres choses, bien sûr. Donc en attendant, pour se remémorer, qu'est-ce que Prisma? Donc le groupe de Arn de FM que Chris a monté il y a de ça, quelques années, je crois, 2 ou 3 ans, si je m'appelle. On va se faire un petit extrait de l'album ADN, enfin le EP ou la démo, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui nous a été présenté déjà cet été. Et ce soir, on va se faire le morceau Lust for Life.

Boîte à souvenirs encore, retour vers le futur. Là, on était en 1985 avec un extrait de Under Lock and Key, le troisième album de Dokken et leur grand classique It's Not Love. Juste avant, Prisma, groupe du coin bien connu, qui, avec son morceau Lost for Life, extrait donc de sa démo ADN sortie l'année dernière. Et Prisma, donc, qui sera Chris ainsi que son copain pote Fred. Deux groupes seront mes invités donc la semaine prochaine pour nous parler de leur concert qu'ils organisent donc à Cléry le samedi 26. Et Prisma, ben, ils seront pas tout seuls puisqu'il y aura également Broken Arms, dont on va se faire un extrait de leur EP qui était sorti, oh, je ne sais même plus si c'est 2014, 2015 ou 2016, mais enfin, comme on dit, le temps est relatif, on s'en fout, de leur EP qui s'appelait donc Bouffe ta godasse. Donc depuis, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. En attendant, ben, on va se faire un extrait de ce EP. C'est le morceau Le Pion que je vous ai choisi ce soir. souvenir, comme le chantait notre la regrettée idole des jeunes, Sortilège, avec Sortilège, extrait du EP Sortilège, sorti en 1983. Non, je reviendrai pas sur la reformation que je trouve plutôt foireuse de ces derniers temps. Enfin bref, ça, à suivre. Juste avant Sortilège, Broken Arms, groupe du coin qui sera en concert donc samedi 26 à Cléry-Saint-André, et d'ailleurs dont un des membres sera un de mes invités mardi prochain pour l'émission. On a eu un extrait du EP Bouffe ta godasse et c'était le morceau Le Pion. Puis j'ai une petite pensée aussi pour Fred en regardant le livre intérieur, car il y a une photo où on voit le groupe qui était tout autour du fameux chopper de Fred, hein, si vous vous rappelez. Et donc petite pensée pour notre ami qui ici là-haut, s'il a écouté tout ça, je pense qu'il a dû être content. Eh bien, il est presque temps de se dire au revoir, mais on a le temps de se faire un dernier morceau avant de se quitter. On va revenir au EP de After Us, qui s'appelle Breaking the Dark, et on va se faire un morceau qui s'appelle City Lights. Et bah, c'est un EP qui n'a qu'un seul défaut, il n'y a que 4 titres, et malheureusement, bah, c'était le dernier, parce qu'on a déjà passé les 3 autres. Donc voilà, pour terminer ce soir, groupe de pop metal ou de metal pop, au choix. City Lights d'After Us. Voilà, c'est donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de ce magazine métal qui, j'espère, vous a plu et que vous avez fait quelques petites découvertes, bien sûr, comme chaque semaine. Je vous le répète encore une fois, ne ratez pas la semaine prochaine puisque j'aurai des invités de groupe Prisma et de Broken Arms et nous allons parler donc du concert qui aura lieu à Cléry samedi prochain, enfin dans 15 jours. Voilà. Donc, d'ici là, portez-vous bien, écoutez Plein de Métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment, et je vous retrouve la semaine prochaine pour cette émission qui s'annonce explosive. Salut à tous !